sa miséricorde dure toujours, éternel est son amour. Car sa miséricorde dure toujours, éternel est son amour. Dieu est bon, célébrons l'éternel, chantons Dieu est bon. Il est bon, il est bon, oui, Dieu. Sa miséricorde dure toujours, éternel est son amour. Car sa miséricorde dure toujours.